Chapitre 7e. Un sous-préfet en balade. L'exercice de la corde à nœud creusant l'estomac, Fouinard, tout en racontant son histoire, faisait grand honneur au repas, blaguant les grands airs des larbins qui servaient des œufs pochés comme s'ils portaient le Saint-Sacrement. Monsieur Larose s'amusait beaucoup. Il commença sincèrement à aimer Fouinard, non seulement pour ses facultés étonnantes de détective, mais surtout pour son esprit, sa gaieté et cette sincérité que rien ne troublait. « Maintenant, mon cher ami, dit-il, permettez-moi de vous donner ce nom que je ne prodigue pas. Expliquez-moi ce que vous entendez faire pour mener à son dénouement l'affaire que vous avez si bien entamée. » Voilà qu'est entendu, le crime commis sur une famille corse l'a été par un Corse, qui a employé les moyens les plus habiles pour arriver à son but. Sans doute, il a cherché longtemps les Provelli dans Paris, mais il s'est heurté à toutes les difficultés qui, au milieu d'une population nombreuse, nous arrêtent nous-mêmes. Comment a-t-il découvert les Provelli sous Prouveau? En fait, ces derniers ont eu tort de ne pas changer tout à fait de nom, et cette simple transformation était imprudente. Quoi qu'il en soit, j'incline à penser que c'est le hasard seul qui a mis l'assassin sur la trace de ses victimes. Nous le voyons alors chercher les moyens de s'introduire chez eux. Le hasard, toujours, hélas, bien indifférent au bien comme au mal, a placé dans le même groupe de construction une maison dont la spécialité attire les Italiens et qui est dirigée par des hommes d'une bonté un peu trop confiante. Voilà notre homme, le Corsico, Ambrosio, Torelli ou Borelli, dans la place. Il étudie les moyens de s'introduire dans la maison des Provelli. Il trouve facilement ce qu'il lui faut, veilleur de nuit, seul dans les locaux, il a toute facilité pour agir. Il surprend les victimes, il les massacre et s'enfuit sans rien laisser derrière lui qui le puisse dénoncer. Voilà ce que vous avez découvert avec votre étonnante faculté de déduction et votre rapidité de conception. Nous touchons au but, il faut maintenant découvrir l'homme, à moins qu'il ne soit déjà reparti après son horrible tâche accomplie. Non, non, dit Fouinard qui écoutait en réfléchissant, il restera à Paris. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Ceci. Quel peut être le mobile d'un crime aussi atroce? Le vol, non. Une passion, laquelle? Pour la femme de Provelli, rien ne l'indique. N'oublions pas que la chose est entre Corses. Et un mot vous viendra tout de suite aux lèvres. Une vendetta. Et allons donc, voilà le point. Et ce qui le prouve, c'est qu'il a voulu tuer l'enfant. Qu'il a voulu anéantir les Provelli, jusque dans leur fils innocent. C'est qu'il a poursuivi ce pauvre petit être jusqu'à l'hôpital où il gisait, malade, blessé. Non, il n'a pas quitté Paris. Il cherche, il guette, il rôde. L'enfant est condamné. Il faut qu'il meure et il mourra. À moins que nous n'arrivions à temps pour traquer et museler la bête féroce. Vous m'épouvantez. La logique de votre raisonnement est telle que je ne trouve rien à répondre. Oui, vous devez avoir raison. Mais que faire? Que faire? Ceci, dit Fouinard, vous êtes attendu au ministère de l'Intérieur à 4 heures, il en est 3 à peine. Allez-y tout de suite et emmenez-moi. Certes, j'y consens. Déjà, vous avez vu le ministre pour cette sinistre affaire du tueur d'enfants, et vous lui avez plu, ce qui n'est pas chose facile. Mais que voulez-vous de lui? Seul, il peut nous dire si j'ai fait fausse route. Mais je vous en prie, ne perdons pas une minute. 10 minutes après, il arrivait à la place Beauvau. Le préfet fit passer sa carte en y ajoutant le nom de Fouinard. « J'ai bien peur que nous attendions. Monsieur Clérando aime qu'on soit exact et nous en avance. » Mais l'huissier qui s'était chargé de la carte revint aussitôt et dit « Monsieur le ministre attend. Monsieur Fouinard et monsieur le préfet. Peste !» Puis Monsieur Larose à l'oreille de son compagnon. « C'est vous qui m'introduisez. Si j'étais de nature jalouse. » Monsieur Clérando est l'homme brusque que l'on sait. Il n'aime pas à perdre son temps. Il serra vivement la main de ses deux visiteurs. « Vite, » dit-il, « le président de la chambre m'attend. » « En 2 mots, n'est-ce pas? Pourquoi M. Fouinard est-il avec vous ?»« Affaire de la maison tragique, » dit le préfet. « Diable, c'est important. Quoi ?»« Monsieur le ministre, » dit Fouinard, « monsieur le préfet et moi, nous savons quel est l'assassin, mais il nous manque une confirmation de nos renseignements. Seul vous pouvez nous la donner. En faisant quoi ?» En télégraphiant au sous-préfet de Corte, en Corse, un questionnaire que j'ai préparé, et que voici. Et il tendit au ministre un papier qu'il avait préparé en 2 minutes. Monsieur Clérandeau y jeta les yeux. « Ah, je comprends. Ces gens étaient corses. C'est un corse qui les a tués. Vendetta. Et vous voulez savoir si à Pietra de Verde se sont passés des faits se rapportant à cette affaire ?»« Exactement, monsieur le ministre. Eh bien, monsieur Fouinard, j'ai le regret de vous dire que vous vous êtes abominablement trompé. Vraiment ? Vous croyez que pour obtenir des renseignements d'un sous-préfet, il faut lui télégraphier ces questions à sa résidence ?» Mais, monsieur le ministre, partout, excepté là. Il sonna et fit demander un des attachés au cabinet. Qui est sous-préfet à Corté? Monsieur Delordre. Bon, il est à Paris, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré hier soir au Moulin Rouge. Il doit venir au ministère pour solliciter de l'avancement. Aujourd'hui même, entre 3 et 4. Monsieur Clérandeau sonna l'huissier. Monsieur le sous-préfet de Corté est là? Oui, monsieur le ministre, mais je lui dis que monsieur le ministre n'était pas visible. Et il n'est pas parti, oh non. Faites-le entrer. Lucien annonça, « Monsieur le sous-préfet de Corté. » Un homme d'une 30aine d'années entra, mis à la dernière mode, ciré, pomponné, exquis. « Monsieur Delordre, lui dit le ministre, vous avez demandé un congé. »« Monsieur le ministre, mais alors pourquoi êtes-vous à Paris ?» L'homme bien mis était devenu très pâle, ce qui nuisait à son genre de beauté. Il balbutiait des mots entrecoupés. « C'est bien, » fit M. Clérandeau de son ton cassant. « Écoutez ce que M. le préfet de police et M. Fouinard ont à vous dire. Vous leur répondrez. »« On verra plus tard, » au préfet. « Je vais causer avec le président de la chambre et je reviens. » Il sortit en riant à pleine gorge. « Télégraphiez à un sous-préfet, à sa résidence. » M. Fouinard est d'un jeune. « Ah non, le sous-préfet n'avait pas un cheveu de sec. » Il était piteux à voir, mais Fouinard, très carrément. « Mon petit père, lui dit-il, vous êtes dans une fichue passe. Faut racheter ça. Racontez-nous l'histoire de la Vendetta Provelli, à Pietra de Verde, en 5 siècles, rapidement. « Messieurs, certainement, » balbutia le sous-préfet qui n'était pas encore mis. Fouinard lui avança un fauteuil, l'y assit de force. « Pas de manière, dit-il, y a-t-il à Pietra de Verde une vendetta dans laquelle une famille Provelli soit intéressée. « Eh oui !» cria l'autre. « Du moins, 2 familles, les Bonelli et les Provelli. » Enfin, il put s'expliquer. C'était un de ces drames atroces dont la Corse est trop souvent le théâtre. Quel était le motif de haine qui séparait les 2 familles? En vérité, nul dans le pays ne s'en souvenait plus. Elle semblait même assoupie. Quand, à une fête de village, il y avait de cela 18 mois à peu près, un Bonelli avait cherché querelle à un Provelli, frère de l'instituteur. Les Provelli étaient gens très doux et dont nul n'avait à se plaindre. Les Bonelli étaient 2 frères aussi, dont l'un, Pietro, alors en Corse, était une sorte de vagabond méchant et querelleur et l'autre, Ambrosio, faisait son service militaire. C'est entre Pietro Bonelli et Luigi Provelli que la querelle s'était mise. Bonelli s'était rué sur son adversaire, le couteau à la main. Mais celui-ci s'était défendu et Pietro Bonelli avait été tué. Il avait éprouvé de façon formelle que Provelli s'était trouvé dans le cas de légitime défense et avait été l'objet d'une ordonnance de non-lieu. 1 an s'était passé. Ambrosio, frère du mort, était revenu du service. Et 3 jours après son retour, il tuait d'un coup de fusil à bout portant Luigi Provelli. Poursuivi, traqué, il s'était jeté dans le maquis, où il a échappé jusqu'ici à toutes les recherches. Il a été condamné à mort par contumace. Mais comme il était toujours à craindre qu'il ne se glissât un jour dans le village pour tuer le dernier des Provelli, Pierre, le maître d'école, celui-ci avait pris le parti de quitter le pays avec sa femme et son enfant. Ce départ s'est effectué le plus secrètement possible. Et depuis lors, acheva le sous-préfet, nous n'avons plus entendu parler de lui. À ce moment, M. Clérandeau rentra. « Eh bien » demanda-t-il. « Monsieur le sous-préfet nous a fourni tous les renseignements nécessaires. L'homme de la maison tragique est bien celui que nous devinions. Ambrosio Bonelli, déjà condamné à mort pour assassinat, et qui est venu à Paris pour exercer sa vendetta féroce sur les derniers des Provelli, c'est-à-dire les malheureux Prouveau. « Quoi ? » s'écria le sous-préfet. « Ce Bonelli est à Paris ? Vous y êtes bien ? » fit le ministre. « Sans doute, » dit Fouinard en regardant le ministre. « Monsieur le sous-préfet de Corté était justement venu à Paris pour nous fournir ses précieux renseignements. » Et l'autre niait de saisir cette branche de sauvetage. « Oui, oui, en effet. J'avais appris la maison tragique. Bien, dit sèchement M. Glérandeau, qui avait peine à retenir un rire prêt à éclater. Monsieur le sous-préfet, restez à ma disposition, à Paris. Il se peut qu'on ait besoin de vous. Au revoir. L'autre salua le ministre, le préfet, Fouinard, et s'en alla à reculons. Quand il fut sorti, « Ne nous occupons pas de ce personnage, » dit le ministre. « Donc maintenant, vous savez le nom de l'assassin. Monsieur le préfet et vous, monsieur Fouinard, faites l'impossible pour que cette bête féroce tombe entre vos mains. »« Monsieur le ministre, » dit le préfet, « inutile de vous dire que ici encore, c'est monsieur Fouinard qui a tout fait. Je vous conterai cela par le menu. C'est un chef-d'œuvre. »« Chef-d'œuvre soit, mais tout à fait incomplet, » interrompit Fouinard. « Tant que cette brute criminelle ne sera pas sous les verrous, » il y a toujours une existence humaine menacée, celle du petit Giacomo. Si vous saviez, quand je pense que l'assassin rôde autour de cet innocent, j'en frissonne. Mais il est en sûreté, dit le préfet, à l'hôpital des enfants malades. À ce moment, la porte s'ouvrit et un attaché parut, très pâle. Monsieur le ministre, on nous téléphone une nouvelle sinistre. Le petit Prouvot, qui était à l'hôpital des enfants malades, a été enlevé par une inconnue. Nom d'un chien ! Cria Fouinard. Et sans souci du ministre et du préfet, il s'élança dehors comme un fou.